Chapitre deuxième. Madame d'Ambreuse, dans son boudoir, entre sa nièce et Miss John, écoutait parler M. Rock, comptant ses fatigues militaires. Elle se mordait les lèvres, semblait souffrir. « Oh, ce n'est rien, ça passera. » Et d'un air gracieux, « Nous aurons à dîner une de vos connaissances, M. Moreau. » Louise tressaillit. Puis seulement quelques intimes, Alfred de Sisy, entre autres. Et elle vanta ses manières, sa figure, et principalement ses mœurs. Madame d'Ambreuse mentait moins qu'elle ne croyait. Le vicomte rêvait le mariage. Il l'avait dit à Martinon, ajoutant qu'il était sûr de plaire à Mademoiselle Cécile et que ses parents l'accepteraient. Pour risquer une telle confidence, il devait avoir sur la dot des renseignements avantageux. Or, Martinon soupçonnait Cécile d'être la fille naturelle de M. d'Ambreuse, et il eût été, probablement, très fort de demander sa main à tout hasard. Cette audace offrait des dangers. Aussi, Martinon, jusqu'à présent, s'était conduit de manière à ne pas se compromettre. D'ailleurs, il ne savait comment se débarrasser de la tante. Le mot de Sisy le détermina, et il avait fait sa requête au banquier, lequel, n'y voyant pas d'obstacle, venait d'en prévenir Madame d'Ambreuse. Sisy parut. Elle se leva, dit « Vous nous oubliez ? Cécile, shake hands ?» Au même moment, Frédéric entrait. « Ah, enfin, on vous retrouve !» s'écria le père Rock. « J'étais trois fois chez vous, avec Louise, cette semaine. » Frédéric les avait soigneusement évités. Il allégua qu'il passait tous ses jours près d'un camarade blessé. Depuis longtemps, du reste, un tas de choses l'avaient pris, et il cherchait des histoires. Heureusement, les convives arrivèrent. D'abord, M. Paul de Grémonville, le diplomate entrevu au bal, puis Fumichon, cet industriel dont le dévouement conservateur l'avait un soir scandalisé. La vieille duchesse de Montreuil-Nantuat les suivait. Mais deux voix s'élevèrent dans l'antichambre. « J'en suis certaine, » disait l'une. « chère belle dame, » répondait l'autre, « de grâce, calmez-vous. » C'était M. de Nonancourt, un vieux beau, l'air momifié dans un cold cream, et Madame de Larcillois, l'épouse d'un préfet de Louis-Philippe. Elle tremblait extrêmement, car elle avait entendu tout à l'heure sur un orgue une polka qui était un signal entre les insurgés. Beaucoup de bourgeois avaient des imaginations pareilles. On croyait que des hommes, dans les catacombes, allaient faire sauter le faubourg Saint-Germain. Des rumeurs s'échappaient des caves. Il se passait aux fenêtres des choses suspectes. Tout le monde s'évertua cependant à tranquilliser Madame de Larcillois. L'ordre était rétabli. Plus rien à craindre. Cavaignac nous a sauvés. Comme si les horreurs de l'insurrection n'eussent pas été suffisamment nombreuses, on les exagérait. Il y avait eu 23 000 forçats du côté des socialistes, pas moins. On ne doutait nullement des vivres empoisonnés, des mobiles sciés entre deux planches et des inscriptions des drapeaux qui réclamaient le pillage, l'incendie. « Et quelque chose de plus ?» ajouta l'ex-préfète. « Ah, cher !» dit par pudeur Madame d'Ambreuse, en désignant d'un coup d'œil les trois jeunes filles. Monsieur d'Ambreuse sortit de son cabinet avec Martinon. Elle détourna la tête et répondit au salut de pèlerins qui s'avançaient. L'artiste considérait les murailles d'une façon inquiète. Le banquier le prit à part et lui fit comprendre qu'il avait dû, pour le moment, cacher sa toile révolutionnaire. « Sans doute, » dit Pellerin, son échec au club de l'intelligence ayant modifié ses opinions. M. d'Ambreuse glissa fort poliment qu'il lui commanderait d'autres travaux. « Mais pardon, ah, cher ami, quel bonheur !» Arnoux et Mme Arnoux étaient devant Frédéric. Il eut comme un vertige. Rosanette, avec son admiration pour les soldats, l'avait agacé toute l'après-midi. Et le vieil amour se réveilla. Le maître d'hôtel vint annoncer que madame était servie. D'un regard, elle ordonna au vicomte de prendre le bras de Cécile, dit tout bas à Martinon, « Misérable !» et on passa dans la salle à manger. Sous les feuilles vertes d'un ananas, au milieu de la nappe, une dorade s'allongeait. Le museau tendu vers un quartier de chevreuil et touchant de sa queue un buisson d'écrevisses. Des figues, des cerises énormes, des poires et des raisins, primeurs de la culture parisienne, montaient en pyramide dans des corbeilles de vieux saxes. Une touffe de fleurs, par intervalles, se mêlait aux claires argenteries. Les stores de soie blanche, abaissés devant les fenêtres, emplissaient l'appartement d'une lumière douce. Il était rafraîchi par deux fontaines où il y avait des morceaux de glace, et de grands domestiques en culottes courtes servaient. Tout cela semblait meilleur après l'émotion des jours passés. On rentrait dans la jouissance des choses que l'on avait eu peur de perdre, Et Nonancourt exprima le sentiment général en disant « Ah, espérons que messieurs les républicains vont nous permettre de dîner. » « Malgré leur fraternité, » ajouta spirituellement le père Roch. Ces deux honorables étaient à la droite et à la gauche de Madame d'Ambreuse, ayant devant elle son mari, entre Madame de l'Arcillois, flanquée du diplomate et de la vieille duchesse, que Fumichon coudoyait. Puis venait le peintre, le marchand de faïence, Mademoiselle Louise, et grâce à Martinon qui lui avait enlevé sa place pour se mettre auprès de Cécile, Frédéric se trouvait à côté de Madame Arnoux. Elle portait une robe de barège noir, un cercle d'or au poignet, et comme le premier jour où il l'avait dîné chez elle, quelque chose de rouge dans les cheveux, une branche de fuchsia entortillée à son chignon, il ne put s'empêcher de lui dire « Voilà longtemps que nous nous sommes vus. »« Ah » répliqua-t-elle froidement. Il reprit, avec une douceur dans la voix qui atténuait l'impertinence de sa question, « Avez-vous quelquefois pensé à moi ? Pourquoi y penserais-je ? » Frédéric fut blessé par ce mot. « Vous avez peut-être raison après tout. » Mais, se repentant vite, il jura qu'il n'avait pas vécu un seul jour sans être ravagé par son souvenir. « Je n'en crois absolument rien, monsieur. »« Cependant, vous savez que je vous aime. » Madame Arnoux ne répondit pas. « Vous savez que je vous aime. » Elle se taisait toujours. « Eh bien, va te promener, » se dit Frédéric. Et levant les yeux, il aperçut à l'autre bout de la table Mademoiselle Roch. Elle avait cru coquet de s'habiller tout en vert, couleur qui jurait grossièrement avec le ton de ses cheveux rouges. Sa boucle de ceinture était trop haute, sa collerette l'engonçait. Ce peu d'élégance avait contribué sans doute au froid abord de Frédéric. Elle l'observait de loin, curieusement, et Arnoux, près d'elle, avait beau prodiguer les galanteries, il n'en pouvait tirer trois paroles, si bien que, renonçant à plaire, il écouta la conversation. Elle roulait maintenant sur les purées d'ananas du Luxembourg. Louis Blanc, d'après Fumichon, possédait un hôtel rue Saint-Dominique et refusait de louer aux ouvriers. « Moi, ce que je trouve drôle, » dit Nonancourt, « c'est le Dru Rollin chassant dans les domaines de la couronne. »« Il doit 20 000 francs à un orfèvre, » ajouta Sisy. « Et même, on prétend... » Madame d'Ambreuse l'arrêta. « Ah, que c'est vilain de s'échauffer pour la politique. Un jeune homme, fi donc, occupez-vous plutôt de votre voisine. » Ensuite, les gens sérieux attaquèrent les journaux. Arnoux prit leur défense. Frédéric s'en mêla, les appelant des maisons de commerce pareilles aux autres. Leurs écrivains, généralement, étaient des imbéciles ou des blagueurs. Il se donna pour les connaître et combattait par des sarcasmes les sentiments généreux de son ami. Madame Arnoux ne voyait pas que c'était une vengeance contre elle. Cependant, le vicomte se torturait l'intellect afin de conquérir Mademoiselle Cécile. D'abord, il étala des goûts d'artiste, en blâmant la forme des carafons et la gravure des couteaux. Puis, il parla de son écurie, de son tailleur et de son chemisier. Enfin, il aborda le chapitre de la religion et trouva moyen de faire entendre qu'il accomplissait tous ses devoirs. Martinon s'y prenait mieux. D'un train monotone, et en la regardant continuellement, il vantait son profil d'oiseau, sa fade chevelure blonde, ses mains trop courtes. La laide jeune fille se délectait sous cette averse de douceur. On n'en pouvait rien entendre, tous parlant très haut. M. Roch voulait, pour gouverner la France, un bras de fer. Nonancourt regretta même que l'échafaud politique fût aboli. On aurait dû tuer en masse tous ces gredins-là. « Ce sont même des lâches, » dit Fumichon. « Je ne vois pas de bravoure à se mettre derrière les barricades. »« À propos, parlez-nous donc de Dussardier, » dit M. d'Ambreuse en se tournant vers Frédéric. Le brave commis était maintenant un héros, comme Salès, les frères Janson, la femme Péquillet, etc. Frédéric, sans se faire prier, débita l'histoire de son ami. Il lui en revint une espèce d'auréole. On arriva, tout naturellement, à relater différents traits de courage. Suivant le diplomate, il n'était pas difficile d'affronter la mort, témoin ceux qui se battent en duel. « On peut s'en rapporter au vicomte, » dit Martinon. Le vicomte devint très rouge. Les convives le regardaient, et Louise, plus étonnée que les autres, murmura. « Qu'est-ce donc ?»« Il a calé devant Frédéric, » reprit tout bas Arnoux. « Vous savez quelque chose, mademoiselle ?» demanda aussitôt Nonancourt. Et il dit sa réponse à Madame d'Ambreuse qui, se penchant un peu, se mit à regarder Frédéric. Martinon n'attendit pas les questions de Cécile. Il lui apprit que cette affaire concernait une personne inqualifiable. La jeune fille se recula légèrement sur sa chaise, comme pour fuir le contact de ce libertin. La conversation avait recommencé. Les grands vins de Bordeaux circulaient, on s'animait. Pellerin en voulait à la Révolution à cause du musée espagnol, définitivement perdu. C'était ce qui l'affligeait le plus comme peintre. À ce mot, M. Roch l'interpella. « Ne seriez-vous pas l'auteur d'un tableau très remarquable ?»« Peut-être. Lequel ?»« Cela représente une dame dans un costume, ma foi, un peu léger, avec une bourse et un paon derrière. » Frédéric, à son tour, s'empourpra. Pellerin faisait semblant de ne pas entendre. « Cependant, c'est bien de vous, car il y a votre nom écrit au bas et une ligne sur le cadre constatant que c'est la propriété de M. Moreau. » Un jour que le père Roch et sa fille l'attendaient chez lui, ils avaient vu le portrait de la maréchale. Le bonhomme l'avait même pris pour un tableau gothique. « Non, » dit Pellerin brutalement, « c'est un portrait de femme. » Martineau ajouta, « d'une femme très vivante, n'est-ce pas, Sisi ? Et je n'en sais rien. Je croyais que vous la connaissiez. Mais du moment que ça vous fait de la peine, mille excuses. » Sisi baissa les yeux, prouvant par son embarras qu'il avait dû jouer un rôle pitoyable à l'occasion de ce portrait. Quant à Frédéric, le modèle ne pouvait être que sa maîtresse. Ce fut une de ces convictions qui se forment tout de suite, et les figures de l'assemblée la manifestaient clairement. « Comme il me mentait, » se dit Madame Arnoux. « C'est donc pour cela qu'il m'a quitté, » pensa Louise. Frédéric s'imaginait que ces deux histoires pouvaient le compromettre, et quand on fut dans le jardin, il en fit des reproches à Martineau. L'amoureux de Mademoiselle Cécile lui éclata de rire au nez. « Eh, pas du tout, ça te servira, va de l'avant. » Que voulait-il dire? D'ailleurs, pourquoi cette bienveillance si contraire à ses habitudes? Sans rien expliquer, il s'en alla vers le fond où les dames étaient assises. Les hommes se tenaient debout et Pellerin, au milieu d'eux, émettait des idées. Ce qu'il y avait de plus favorable pour les arts, c'était une monarchie bien entendu. Les temps modernes le dégoûtaient, quand ce ne serait qu'à cause de la garde nationale. Il regrettait le Moyen-Âge, Louis XIV. M. Roch le félicita de ses opinions, avouant même qu'elle renversait tous ses préjugés sur les artistes. Mais il s'éloigna presque aussitôt, attiré par la voix de Fumichon. Arnoux tâchait d'établir qu'il y a deux socialismes, un bon et un mauvais. L'industriel n'y voyait pas de différence, la tête lui tournant de colère au mot « propriété ».« C'est un droit écrit dans la nature. Les enfants tiennent à leurs joujoux. Tous les peuples sont de mon avis, tous les animaux. » Le lion même, s'il pouvait parler, se déclarerait propriétaire. Ainsi, moi, messieurs, j'ai commencé avec 15 000 francs de capital. Pendant 30 ans, savez-vous, je me levais régulièrement à 4 heures du matin. J'ai eu un mal des 500 diables à faire ma fortune, et on viendra me soutenir que je n'en suis pas le maître, que mon argent n'est pas mon argent, enfin, que la propriété, c'est le vol. Mais, Proudhon, laissez-moi tranquille avec votre Proudhon. S'il était là, je crois que je l'étranglerais. Il l'aurait étranglé. Après les liqueurs, surtout, Fumichon ne se connaissait plus, et son visage apoplectique était prêt d'éclater comme un obus. « Bonjour, Arnoux, » dit Hussonnet, qui passa lestement sur le gazon. Il apportait à M. d'Ambreuse la première feuille d'une brochure intitulée « L'hydre », le bohème défendant les intérêts d'un cercle réactionnaire, et le banquier le présenta comme tel à ses hôtes. Hussonnet les divertit, en soutenant d'abord que les marchands de suif payaient 392 gamins pour crier chaque soir « Des lampions !» puis en blaguant les principes de 89. L'affranchissement des nègres, les orateurs de la gauche. Il se lança même jusqu'à faire prud'homme sur une barricade, peut-être par l'effet d'une jalousie naïve contre ces bourgeois qui avaient bien dîné. La charge plut médiocrement, leurs figures s'allongèrent. Ce n'était pas le moment de plaisanter du reste. Nonancourt le dit, en rappelant la mort de Mgr Affre et de celle du général Briat. Elles étaient toujours rappelées. On en faisait des arguments. M. Roch déclara le trépas de l'archevêque tout ce qu'il y avait de plus sublime. Fumichon donnait la palme aux militaires. Et au lieu de déplorer simplement ces deux meurtres, on discuta pour savoir lequel devait exciter la plus forte indignation. Un second parallèle vint après, celui de Lamoricière et de Cavaignac. M. d'Ambreuse exaltant Cavaignac, et Nonancourt, la Mauricière. Personne de la compagnie, sauf Arnoux, n'avait pu les voir à l'œuvre. Tous n'en formulèrent pas moins sur leurs opérations un jugement irrévocable. Frédéric s'était récusé, confessant qu'il n'avait pas pris les armes. Le diplomate et M. d'Ambreuse lui firent un signe de tête approbatif. En effet, avoir combattu l'émeute, c'était avoir défendu la République. Le résultat, bien que favorable, la consolidait, et maintenant qu'on était débarrassé des vaincus, on souhaitait l'être des vainqueurs. À peine dans le jardin, Madame d'Ambreuse, prenant Sisy, l'avait gourmandé de sa maladresse. À la vue de Martinon, elle le congédia, puis voulut savoir de son futur neveu la cause de ses plaisanteries sur le vicomte. Il n'y en a pas. Et tout cela comme pour la gloire de M. Moreau, dans quel but? Dans aucun. Frédéric est un charmant garçon, je l'aime beaucoup. Et moi aussi, qu'il vienne, allez le chercher. Après deux ou trois phrases banales, elle commença par déprécier légèrement ses convives, ce qui était le maître au-dessus d'eux. Il ne manqua pas de dénigrer un peu les autres femmes, manière habile de lui adresser des compliments. Mais elle le quittait de temps en temps, c'était soir de réception, des dames arrivaient. Puis, elle revenait à sa place, et la disposition toute fortuite des sièges leur permettait de n'être pas entendue. Elle se montra enjouée, sérieuse, mélancolique et raisonnable. Les préoccupations du jour l'intéressaient médiocrement. Il y avait tout un ordre de sentiments moins transitoires. Elle se plaignit des poètes qui dénaturent la vérité, puis elle leva les yeux vers le ciel en lui demandant le nom d'une étoile. On avait mis dans les arbres deux ou trois lanternes chinoises. Le vent les agitait, des rayons colorés tremblaient sur sa robe blanche. Elle se tenait, comme d'habitude, un peu en arrière dans son fauteuil, avec un tabouret devant elle. On apercevait la pointe d'un soulier de satin noir, et Madame d'Ambreuse, par intervalle, lançait une parole plus haute, quelquefois même un rire. Ces coquetteries n'atteignaient pas Martinon, occupé de Cécile, mais elles allaient frapper la petite Roque qui causait avec Madame Arnoux. C'était la seule, parmi ces femmes, dont les manières ne lui semblaient pas dédaigneuses. Elle était venue s'asseoir à côté d'elle, puis, cédant à un besoin d'épanchement, « N'est-ce pas qu'il parle bien, Frédéric Moreau? Vous le connaissez? Oh, beaucoup. Nous sommes voisins. Il m'a fait jouer toute petite. » Madame Arnoux lui jeta un long regard qui signifiait « Vous ne l'aimez pas, j'imagine. » Celui de la jeune fille répliqua sans trouble « Si. » « Vous le voyez souvent, alors ?»« Oh non. Seulement quand il vient chez sa mère. Voilà 10 mois qu'il n'est venu. Il avait promis cependant d'être plus exact. » « Il ne faut pas trop croire aux promesses des hommes, mon enfant. »« Mais il ne m'a pas trompé, moi. »« Comme d'autres. » Louise frissonna. Est-ce que par hasard il lui aurait aussi promis quelque chose à elle? Et sa figure était crispée de défiance et de haine. Madame Arnoux en eut presque peur. Elle aurait voulu rattraper son mot. Puis, toutes deux se turent. Comme Frédéric se trouvait en face, sur un pliant, elle le considérait, l'une avec décence, du coin des paupières, l'autre franchement, la bouche ouverte, si bien que Madame d'Ambreuse lui dit « Tournez-vous donc pour qu'elle vous voie. » « Qui cela ? » ?»« Mais la fille de Monsieur Roque. » Et elle le plaisanta sur l'amour de cette jeune provinciale. Il s'en défendait en tâchant de rire. « Est-ce croyable ? Je vous le demande. Un laideron pareil. » Cependant, il éprouvait un plaisir de vanité immense. Il se rappelait l'autre soirée, celle dont il était sorti, le cœur plein d'humiliation. Et il respirait largement. Il se sentait dans son vrai milieu, presque dans son domaine, comme si tout cela, y compris l'hôtel d'Ambreuse, lui avait appartenu. Les dames formaient un demi-cercle en l'écoutant, et afin de briller, il se prononça pour le rétablissement du divorce, qui devait être facile jusqu'à pouvoir se quitter et se reprendre indéfiniment, tant qu'on voudrait. Elles se récrièrent, d'autres chuchotaient. Il y avait de petits éclats de voix dans l'ombre, au pied du mur couvert d'aristoloches. C'était comme un caquetage de poules en gaieté, et il développait sa théorie avec cet aplomb que la conscience du succès procure. Un domestique apporta dans la tonnelle un plateau chargé de glace. Les messieurs s'en rapprochèrent, ils causaient des arrestations. Alors, Frédéric se vengea du vicomte en lui faisant croire qu'on allait peut-être le poursuivre comme légitimiste. L'autre objectait qu'il n'avait pas bougé de sa chambre. Son adversaire accumula les chances mauvaises. Messieurs d'Ambreuse et de Grémonville eux-mêmes s'amusaient. Puis, ils complimentèrent Frédéric, tout en regrettant qu'il n'employât pas ses facultés à la défense de l'ordre. Et leur poignée de main fut cordiale. Ils pouvaient désormais compter sur eux. Enfin, comme tout le monde s'en allait, le vicomte s'inclina très bas devant Cécile. « Mademoiselle, j'ai bien l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. » Elle répondit d'un ton sec. « Bonsoir. » Mais elle envoya un sourire à Martinon. Le père Roque, pour continuer sa discussion avec Arnoux, lui proposa de le reconduire ainsi que madame, leur route étant la même. Louise et Frédéric marchaient devant. Elle avait saisi son bras, et quand elle fut un peu loin des autres, « Ah, enfin, enfin » ai-je assez souffert toute la soirée, comme ces femmes sont méchantes. Ils errent de hauteur. Il voulut les défendre. « D'abord, tu pouvais bien me parler en entrant, depuis un an que tu n'es venu. » « Il n'y a pas un an, » dit Frédéric, heureux de la reprendre sur ce détail pour esquiver les autres. « Soit, le temps m'a paru long, voilà tout. Mais pendant cet abominable dîner, c'était à croire que tu avais honte de moi. Ah, je comprends, je n'ai pas ce qu'il faut pour plaire, comme elle. » « Tu te trompes, » dit Frédéric. « Vraiment, jure-moi que tu n'en aimes aucune. » Il jura. « Et c'est moi seul que tu aimes, parbleu. » Cette assurance la rendit gaie. Elle aurait voulu se perdre dans les rues pour se promener ensemble toute la nuit. J'étais si tourmentée là-bas. On ne parlait que de barricades. Je te voyais tombant sur le dos, couvert de sang. Ta mère était dans son lit avec ses rhumatismes. Elle ne savait rien. Il fallait me taire. Je n'y tenais plus. Alors j'ai pris Catherine. Et elle lui conta son départ, toute sa route, et le mensonge fait à son père. Il me ramène dans 2 jours. Viens demain soir, comme par hasard. Et profites-en pour me demander en mariage. Jamais Frédéric n'avait été plus loin du mariage. D'ailleurs, Mademoiselle Roque lui semblait une petite personne assez ridicule. Quelle différence avec une femme comme Madame d'Ambreuse! Un bien autre avenir lui était réservé. Il en avait la certitude aujourd'hui. Aussi n'était-ce pas le moment de s'engager, par un coup de cœur, dans une détermination de cette importance. Il fallait maintenant être positif. Et puis il avait revu Madame Arnoux. Cependant, la franchise de Louise l'embarrassait. Il répliqua. « As-tu bien réfléchi à cette démarche ?»« Comment ? » s'écria-t-elle, glacée de surprise et d'indignation. « Il dit que se marier actuellement serait une folie. »« Ainsi, tu ne veux pas de moi. »« Mais tu ne me comprends pas. » Il se lança dans un verbiage très embrouillé pour lui faire entendre qu'il était retenu par des considérations majeures, qu'il avait des affaires à n'en plus finir, que même sa fortune était compromise. Louise tranchait tout d'un mot net. Enfin que les circonstances politiques s'y opposaient. Donc, le plus raisonnable était de patienter quelque temps. Les choses s'arrangeraient sans doute, du moins il l'espérait. Et comme il ne trouvait plus de raison, il feignit de se rappeler brusquement qu'il aurait dû être depuis 2 heures chez Dussardier. Puis, ayant salué les autres, il s'enfonça dans la rue Hauteville, fit le tour du gymnase, revint sur le boulevard et monta en courant les 4 étages de Rosanette. Monsieur et Madame Arnoux quittèrent le père Roque et sa fille à l'entrée de la rue Saint-Denis. Ils s'en retournèrent sans rien dire, lui n'en pouvant plus d'avoir bavardé, et elle éprouvant une grande lassitude. Elle s'appuyait même sur son épaule. C'était le seul homme qui eût montré pendant la soirée des sentiments honnêtes. Elle se sentit pour lui pleine d'indulgence. Cependant, il gardait un peu de rancune contre Frédéric. « As-tu vu sa mine lorsqu'il était question du portrait ?» « Quand je te disais qu'il est son amant, tu ne voulais pas me croire. »« Oh oui, j'avais tort. » Arnoux, content de son triomphe, insista. « Je parais même qu'il nous a lâchés tout à l'heure pour aller la rejoindre. Il est maintenant chez elle, va, il y passe la nuit. » Madame Arnoux avait rabattu sa capeline très bas. « Mais tu trembles. »« C'est que j'ai froid, » reprit-elle. Dès que son père fut endormi, Louise entra dans la chambre de Catherine et la secouant par l'épaule. « Lève-toi, vite, plus vite !» et va me chercher un fiacre. » Catherine lui répondit qu'il n'en avait plus à 7 heures. « Tu vas m'y conduire toi-même alors. »« Où donc ? Chez Frédéric. »« Pas possible. À cause ?» C'était pour lui parler. Elle ne pouvait attendre. Elle voulait le voir tout de suite. « Y pensez-vous ? » Se présenter comme ça, dans une maison, au milieu de la nuit. D'ailleurs à présent, il dort. Je le réveillerai. Mais ce n'est pas convenable pour une demoiselle. « Je ne suis pas une demoiselle, je suis sa femme, je l'aime. Allons, mets ton châle. » Catherine, debout au bord de son lit, réfléchissait. Elle finit par dire « Non, je ne veux pas. »« Eh bien reste, moi j'y vais. » Louise glissa comme une couleuvre dans l'escalier. Catherine s'élança par derrière, la rejoignit sur le trottoir. Ses représentations furent inutiles et elle la suivait, tout en achevant de nouer sa camisole. Le chemin lui parut extrêmement long. Elle se plaignait de ses vieilles jambes. « Après ça, moi, je n'ai pas ce qui vous pousse, dame. » Puis elle s'attendrissait. « Pauvre cœur, il n'y a encore que ta cateau, vois-tu ?» Des scrupules, de temps en temps, la reprenaient. « Ah, vous me faites faire quelque chose de joli. Si votre père se réveillait,